Chapitre 3. La maison de Sidi Hazam. Il était à peu près 9h du soir. Mousqueterie, musique, cris, tout avait cessé subitement. La foule commença à se dissiper peu à peu, les uns rentrant à Tripoli, les autres regagnant l'oasis de Menchier et les villages voisins de la province. Avant 1h, la plaine de Soung et Telaté serait devenue silencieuse et vide. Tentes repliées, campements levés, nègres et berbères avaient déjà repris la route des diverses contrées de la Tripolitaine, tandis que les sénousistes se dirigeaient vers la Cyrénaïque et plus principalement sur le vilayet de Benghazi, afin d'y concentrer toutes les forces du calife. Seul le docteur Antekert, Pierre et Luigi ne devaient pas quitter cette place pendant toute la durée de la nuit. Prêts à tout événement depuis la disparition de Pointe Pescade, chacun d'eux avait aussitôt choisi son poste de surveillance à la base même des murailles de la maison de Sidi Hazam. Cependant, Pointe Pescade, après s'être élancé d'un bond prodigieux au moment où Cap Matifou tenait la perche à bout de bras, était retombé sur le parapet de l'une des terrasses, au pied du minaret qui dominait les diverses cours de l'habitation. Au milieu de cette nuit sombre, personne n'avait pu le voir, ni du dehors, ni du dedans, pas même de la skifa, située au fond du second patio et dans laquelle se trouvait un certain nombre de kouanes, les uns dormant, les autres veillant par ordre du mokadem. Pointe Pescade, on le comprend, n'avait pu arrêter d'une façon définitive un plan que tant de circonstances imprévues allaient peut-être modifier. La distribution intérieure de la maison de Sidi Hazam ne lui était point connue, et il ignorait en quel endroit la jeune fille avait été renfermée, si elle était seule ou gardée à vue, si la force physique ne lui manquerait pas pour s'enfuir. De la nécessité d'agir un peu à l'aventure. Toutefois, voici ce qu'il s'était dit. Avant tout, par force ou par ruse, il faut que j'arrive jusqu'à Savasendorf. Si elle ne peut me suivre immédiatement, si je ne peux parvenir à l'enlever cette nuit même, il faut au moins qu'elle sache que Pierre Bathory est vivant, qu'il est là, au pied de ses murs, que le docteur Antekert et ses compagnons sont prêts à lui porter secours. Enfin, que si son évasion éprouve quelque retard, elle ne doit céder à aucune menace. Il est vrai que je puisse être surpris avant d'être arrivé jusqu'à elle. Mais alors il sera temps d'aviser. Après avoir sauté par-dessus le parapet, sorte de gros bourrelet blanchâtre percé de créneaux, le premier soin de Pointe Pescade fut de dérouler une mince corde à nœuds qu'il avait pu cacher sous son léger accoutrement de clown. Puis il l'amarra à l'un des créneaux d'angle, de façon qu'elle pendît extérieurement jusqu'au sol. Ce n'était là qu'une mesure éventuelle de précaution, mais bonne à prendre. Cela fait, Pointe Pescade, avant de s'aventurer plus loin, se coucha à plat ventre le long du parapet. Dans cette attitude que lui commandait la prudence, il attendit sans bouger. S'il avait été vu, la terrasse serait bientôt envahie par les gens de Sidi Hazam, et dans ce cas il n'aurait plus qu'à utiliser pour son compte la corde dont il avait espéré faire un moyen de salut pour Savasendorf. Un silence absolu régnait dans l'habitation du Mokadem. Comme ni Sidi Hazam, ni Sarkani, ni aucun de leurs gens n'avaient pris part à la fête des cigognes, la porte de la Zaouïa ne s'était pas ouverte depuis le lever du soleil. Après quelques minutes d'attente, Pointe Pescade s'avança en rampant vers l'angle d'où s'élevait le minaret. L'escalier qui desservait la partie supérieure de ce minaret devait évidemment se continuer jusqu'au sol du premier patio. En effet, une porte, s'ouvrant sur la terrasse, permettait de descendre au niveau des cours intérieures. Cette porte était fermée en dedans, non à clé, mais avec un verrou qu'il eût été impossible de repousser du dehors, à moins de pratiquer un trou dans le ventail. Ce travail, Pointe Pescade aurait pu certainement l'accomplir, car il avait dans sa poche un couteau à lame multiple, précieux présent du docteur, dont il pouvait faire bon usage. mais c'eût été une besogne longue et peut-être bruyante. Cela ne fut pas nécessaire. À trois pieds au-dessus de la terrasse, un jour, en forme de meurtrière, s'évidait dans le mur du minaret. Si ce jour était étroit, Point de Pescade n'était pas gros. D'ailleurs, ne tenait-il pas du chat qui peut s'allonger pour passer où il semble qu'il n'ait point passage? Il essaya donc, et non sans quelques écorchures aux épaules, il se trouva bientôt à l'intérieur du minaret. Voilà ce que Cap Matifou n'aurait jamais pu faire, se dit-il avec quelque raison. Puis, en tâtonnant, il revint alors vers la porte, dont il tira le verrou afin qu'elle restât libre pour le cas où il serait nécessaire de reprendre le même chemin. En descendant l'escalier tournant du minaret, Point de Pescade se laissa glisser plutôt qu'il n'appuya sur les marches de bois que son pied eût pu faire gémir. Au bas, il se trouva devant une seconde porte fermée, mais il n'eut qu'à la pousser pour l'ouvrir. Cette porte donnait sur une galerie à colonnettes, disposée autour du premier patio, le long de laquelle prenait accès un certain nombre de chambres. Après l'obscurité complète de l'escalier, ce milieu paraissait relativement moins sombre. Du reste, aucune lumière à l'intérieur, nul bruit non plus. Au centre du patio s'arrondissait un bassin d'eau vive, entouré de grandes jarres de terre d'où s'élançaient divers arbustes, poivriers, palmiers, lauriers roses, cactus, dont l'épaisse verdure formait autour de la margelle comme une sorte de massif. Point de Pescade fit le tour de cette galerie à pas de loup, s'arrêtant devant chaque chambre. Il semblait qu'elles fussent inhabitées. Non toutes cependant, car derrière l'une de ces portes, un murmure de voix se faisait nettement entendre. Point de Pescade recula d'abord. C'était la voix de Sarkany, cette voix qu'il avait plusieurs fois entendue à Raguse. Mais bien qu'il eût appuyé son oreille contre la porte, il ne put rien surprendre de ce qui se disait dans cette chambre. En ce moment, un bruit plus fort se produisit, et Point de Pescade n'eut que le temps de se rejeter en arrière, puis d'aller se blottir derrière une des grandes jarres disposées autour du bassin. Sarkany venait de sortir de la chambre. Un arabe de haute taille l'accompagnait. Tous deux continuèrent leur entretien en se promenant sous la galerie du patio. Malheureusement, Point de Pescade ne pouvait comprendre ce que disaient Sarkany et son compagnon, car il se servait de cette langue arabe qu'il ne connaissait pas. Deux mots le frappèrent toutefois, ou plutôt deux noms. Celui de Sidi Hazam, et c'était en effet le Mokadem qui causait avec Sarkany, puis le nom d'Antekirta, qui revint à plusieurs reprises dans cette conversation. « C'est au moins étrange, se dit Point de Pescade. Pourquoi parle-t-il d'Antekirta? Est-ce que Sidi Hazam, Sarkany et tous ces pirates de la Tripolitaine méditeraient une campagne contre notre île? Mille diables! Et ne rien savoir du jargon qu'emploient ces deux coquins. » Et Point de Pescade s'appliquait à surprendre quelque autre mot suspect, tout en se blottissant derrière les jarres de verdure, lorsque Sarkany et Sidi Hazam s'approchaient du bassin. Mais la nuit était assez sombre pour qu'ils ne pussent le voir. « Et encore, se disait-il, si le Sarkany eût été seul dans cette cour, peut-être aurais-je pu lui sauter à la gorge et le mettre hors d'état de nous nuire. Mais cela n'aurait pas sauvé Sava Sandorf, et c'est pour elle que je viens de faire le saut périlleux. Patience, le tour de Sarkany viendra plus tard. » La conversation de Sidi Hazam et de Sarkany dura une vingtaine de minutes environ. Le nom de Sava fut aussi prononcé plusieurs fois, avec la qualification d'Aroué, et Point de Pescade se rappela d'avoir déjà entendu prononcer ce mot qui signifie « fiancé » en arabe. Évidemment, le Mokadem connaissait les projets de Sarkany et y prêtait les mains. Puis ces deux hommes se retirèrent par une des portes d'angle du patio qui mettait cette galerie en communication avec les autres dépendances de la maison. Dès qu'ils eurent disparu, Point de Pescade se glissa le long de la galerie et s'arrêta près de cette porte. Il n'eut qu'à la pousser pour se trouver devant un étroit couloir dont il suivit le mur en tâtonnant. À son extrémité s'arrondissait une double arcade, soutenue par une colonnette centrale qui donnait accès sur la seconde cour. D'assez vives lueurs, passant entre les baies, par lesquelles la skifa prenait jour sur le patio, découpaient de larges secteurs lumineux sur le sol. En ce moment, il n'eût pas été prudent de les traverser. Un bruit de voix nombreuses se faisait entendre derrière la porte de cette salle. Pointe-Pescade hésita un instant. Ce qu'il cherchait, c'était la chambre dans laquelle Sava avait été enfermée, et il ne pouvait guère compter que sur le hasard pour la découvrir. Soudain, une lumière parut brusquement à l'autre extrémité de la cour. Une femme, portant une lanterne arabe, enjolivée de cuivres et de houppes, venait de sortir d'une chambre située à l'angle opposé du patio et contournait la galerie sur laquelle s'ouvrait la porte de la Skifa. Pointe-Pescade reconnut cette femme. C'était Namir. Comme il était possible que la Marocaine se rendît à la chambre où se trouvait la jeune fille, il fallait imaginer le moyen de la suivre, et pour la suivre, de lui livrer d'abord passage sans se laisser apercevoir. Ce moment allait donc décider de l'audacieuse tentative de Pointe-Pescade et du sort de Sava Sandorf. Namir s'avançait. Sa lanterne, presque au ras du sol, laissait la partie supérieure de la galerie dans une obscurité d'autant plus profonde que le pavé de mosaïque était plus fortement éclairé. Or, comme il fallait qu'elle passât sous l'arcade, Pointe-Pescade ne savait trop que faire, lorsqu'un rayon de la lanterne lui montra que la partie supérieure de cette arcade se composait d'arabesques ajourées à la mode mauresque. Grimper à la colonnette centrale, s'accrocher à l'une de ces arabesques, se hisser à la force du poignet, se circonscrire dans l'ove du milieu, y rester immobile comme un saint dans une niche, c'est ce que Pointe-Pescade eût fait en un instant. Namir passa sous l'arcade sans le voir, reprit le côté opposé de la galerie. Puis, arrivée à la porte de la Skifa, elle l'ouvrit. Une projection lumineuse jaillit à travers la cour et s'éteignit instantanément, dès que la porte eut été refermée. Pointe-Pescade se mit à réfléchir. Et où eût-il pu être mieux pour se livrer à ses réflexions ? C'est bien Namir qui vient d'entrer dans cette salle, se dit-il. Il est donc évident qu'elle ne se rendait pas à la chambre de Sava Sandorf. Mais peut-être en sortait-elle. Et dans ce cas, cette chambre serait celle qui est à l'angle de la cour. À vérifier. Pointe-Pescade attendit quelques instants avant de quitter son poste. La lumière à l'intérieur de la Skifa semblait diminuer peu à peu d'intensité, tandis que le bruit des voix se réduisait à un simple murmure. Sans doute l'heure était venue à laquelle tout le personnel de Sidi Hazam allait prendre quelque repos. Les circonstances seraient alors plus favorables pour agir, puisque cette partie de l'habitation serait plongée dans le silence, quand bien même la dernière lueur n'y serait pas encore éteinte. C'est ce qui arriva, en effet. Pointe-Pescade se laissa glisser le long de la colonnette de l'arcade, rampa sur les dalles de la galerie, passa devant la porte de la Skifa, tourna l'extrémité du patio et atteignit à l'angle opposé la chambre de laquelle était sorti Namir. Pointe-Pescade ouvrit cette porte qui n'était pas fermée à clé. Et alors, à la lumière d'une lampe arabe, disposée comme une veilleuse sous son verre dépoli, il put rapidement examiner la chambre. Quelques tentures suspendues aux parois, çà et là des escabeaux de forme mauresque, des coussins empilés dans les angles, un double tapis jeté sur la mosaïque du sol, une table basse qui portait encore les restes d'un repas, au fond un divan recouvert d'une étoffe de laine, voilà ce que Pointe-Pescade vit tout d'abord. Il entra et referma la porte. Une femme, assoupie plutôt qu'endormie, était étendue sur le divan, à demi recouverte d'un de ces burnous dont les Arabes s'enveloppent ordinairement de la tête aux pieds. C'était Sava Sandorf. Pointe-Pescade n'eut aucune hésitation à reconnaître la jeune fille qu'il avait plusieurs fois rencontrée dans les rues de Raguse. Combien elle lui parut changée alors ? Pâle comme elle l'était au moment où sa voiture de mariage venait se heurter au convoi de Pierre Bathory, son attitude, sa physionomie triste, sa torpeur douloureuse, tout disait ce qu'elle avait dû et devait souffrir. Il n'y avait pas un instant à perdre. En effet, puisque la porte n'avait pas été refermée à clé, c'est que Namir allait sans doute revenir près de Sava. Peut-être la Marocaine la gardait-elle nuit et jour ? Et cependant, quand bien même la jeune fille aurait pu quitter cette chambre, comment fut-elle parvenue à s'enfuir, sans un secours venu du dehors ? L'habitation de Sidi Hazam n'était-elle pas murée comme une prison ? Pointe-Pescade se pencha sur le divan. Quel fut son étonnement devant une ressemblance qui ne l'avait pas encore frappé, la ressemblance de Sava Sendorf et du docteur Antekirt. La jeune fille ouvrit les yeux. En voyant un étranger qui se tenait debout devant elle, le doigt sur les lèvres, le regard suppliant, dans ce bizarre accoutrement d'acrobate, elle fut tout d'abord interdite plutôt qu'effrayée. Mais si elle se releva, elle eut assez de sang-froid pour ne pas jeter un cri. « Silence !» dit Pointe-Pescade. « Vous n'avez rien à craindre de moi. Je viens ici pour vous sauver. Derrière ces murs, des amis vous attendent. Des amis qui se feront tuer pour vous arracher aux mains de Sarkany. Pierre Bathory est vivant. »« Pierre, vivant ?» s'écria Sava, en comprimant les battements de son cœur. « Lisez !» Et Pointe-Pescade tendit à la jeune fille un billet qui ne contenait que ces mots. « Sava, fiez-vous à celui qui a risqué sa vie pour arriver jusqu'à vous. Je suis vivant, je suis là. » Pierre Bathory. Pierre était vivant. Il était au pied de ses murailles. Par quel miracle ! Sava le saurait plus tard, mais Pierre était là. « Fuyons, » dit-elle. « Oui, fuyons, » répondit Pointe-Pescade, mais en mettant toutes les chances de notre côté. Une seule question. Namir a-t-elle l'habitude de passer la nuit dans cette chambre ?»« Non, » répondit Sava. « Prend-elle la précaution de vous y enfermer quand elle s'absente pour quelque temps ?»« Oui. » »« Elle va donc revenir ?»« Oui, fuyons. » »« À l'instant, » répondit Pointe-Pescade. Tout d'abord, il fallait reprendre l'escalier du minaret et gagner la terrasse qui donnait sur la plaine. Une fois là, avec la corde qui pendait extérieurement jusqu'au sol, l'évasion pourrait aisément s'accomplir. « Venez, » dit Pointe-Pescade en prenant la main de Sava. Et ils allèrent ouvrir la porte de sa chambre lorsque des pas se firent entendre sur les dalles de la galerie. En même temps, quelques paroles étaient prononcées d'un ton impérieux. Pointe-Pescade avait reconnu la voix de Sarkany. Il s'arrêta sur le seuil de la chambre. « c'est lui !» murmura la jeune fille. « Vous êtes perdu s'il vous trouve ici. »« Il ne m'y trouvera pas, » répondit Pointe-Pescade. L'agile garçon venait de s'étendre à terre. Puis, par un de ces mouvements d'acrobate qu'il avait si souvent exécuté dans les baraques foraines, après s'être enveloppé de l'un des tapis étendus sur le sol, il s'était roulé jusque dans le coin le plus obscur de la chambre. À ce moment, la porte s'ouvrait devant Sarkany et Namir et se refermait derrière eux. Sava avait repris sa place sur le divan. Pourquoi Sarkany venait-il la trouver à cette heure? Était-ce quelque instance nouvelle pour vaincre son refus? Mais Sava était forte maintenant. Elle savait que Pierre était vivant et qu'il l'attendait au dehors. Sous ce tapis qui le couvrait, Pointe-Pescade, s'il ne pouvait rien voir, pouvait tout entendre. Sava, dit Sarkany, demain matin nous aurons quitté cette maison pour une autre résidence. Mais je ne veux pas partir d'ici sans que vous ayez consenti à notre mariage, sans qu'il ait été célébré. Tout est prêt, et il faut qu'à l'instant, ni maintenant ni plus tard, répondit la jeune fille d'une voix aussi froide que résolue. Ça va, reprit Sarkany, comme s'il n'eût point voulu entendre cette réponse. Dans notre intérêt à tous deux, il importe que votre consentement soit libre. Dans notre intérêt à tous deux, vous comprenez? Nous n'avons pas et nous n'aurons jamais d'intérêt commun. « Prenez garde, je tiens à vous rappeler que ce consentement, vous l'aviez donné à Raguse. »« Pour des raisons qui n'existent plus. »« Écoutez-moi, ça va, » reprit Sarkany, dont le calme apparent cachait mal une irritation des plus violentes. « C'est la dernière fois que je viens vous demander votre consentement. »« Que je vous refuserai tant que j'aurai la force de le faire. »« Eh bien, cette force, on vous l'ôtera, » s'écria Sarkany. « Ne me poussez pas à bout. »« Oui, cette force dont vous vous servez contre moi, » Namir saura l'anéantir, et malgré vous s'il le faut. Ne me résistez pas, ça va. L'imam est là, prêt à célébrer notre mariage selon les usages de ce pays qui est le mien. Suivez-moi donc. Sarkany marcha vers la jeune fille, qui, après s'être vivement relevée, venait de reculer jusqu'au fond de la chambre. Misérable ! S'écria-t-elle. Vous me suivrez, vous me suivrez, répétait Sarkany, qui ne se possédait plus. Jamais ! « Ah, prends garde !» Et Sarkany, ayant saisi le bras de la jeune fille, la violentait pour l'entraîner avec Namir dans la skifa, où Sidi Hazam et l'imam les attendaient tous les deux. « À moi ! À moi !» s'écria Sava. « À moi, Pierre Bathory !»« Pierre Bathory ? s'écria Sarkany. « C'est un mort que tu appelles à ton secours ?»« Non, c'est un vivant. À moi, Pierre !» Cette réponse frappa Sarkany d'un coup si inattendu que l'apparition même de sa victime ne l'eût pas épouvanté davantage. Mais il ne tarda pas à se remettre. Pierre Bathory vivant ? Pierre qu'il avait frappé de sa main et dont il avait vu porter le corps au cimetière de Raguse ? En vérité, ce ne pouvait être là que le propos d'une folle. Et il était possible que ça va, sous l'excès du désespoir, eût perdu la raison. Cependant, Point de Pescade avait entendu toute cette conversation. En apprenant à Sarkany que Pierre Bathory était vivant, Sava venait de jouer sa vie, cela n'était que trop certain. Aussi, pour le cas où ce misérable se fût porté à quelque violence, se tenait-il prêt à apparaître, son couteau à la main. Qui aurait pu le croire capable d'hésiter à le frapper, n'eût pas connu Point de Pescade. Mais il ne fut pas nécessaire d'en venir là. Brusquement, Sarkany venait d'entraîner Namir. Puis, la porte de la chambre s'était refermée à clé sur la jeune fille, dont le sort allait se décider. D'un bond, Point de Pescade, après avoir déroulé le tapis, avait reparu. « Venez !» dit-il à Sava. Comme la serrure de la porte était en dedans de la chambre, la dévisser avec le tournevis de son couteau ne fut, pour l'adroit garçon, ni difficile, ni long, ni bruyant. Dès que la porte eut été ouverte, puis refermée derrière lui, Point de Pescade, précédant la jeune fille, s'avança le long de la galerie en suivant le mur du patio. Il devait être 11h30 du soir. Quelques clartés filtraient encore à travers les baies de la Skifa. Aussi Point de Pescade évita-t-il de passer devant cette salle pour aller prendre à l'angle opposé le couloir qui devait le ramener à la première cour de l'habitation. Tous deux, après être arrivés à l'extrémité de ce couloir, le suivirent jusqu'au bout. Ils n'avaient plus alors que quelques pas à faire pour atteindre l'escalier du minaret lorsque Point de Pescade s'arrêta soudain et retint Sava dont la main n'avait pas quitté la sienne. Trois hommes allaient et venaient dans cette première cour autour du bassin. L'un de ces hommes, c'était Sidi Hazam, venait de donner un ordre aux deux autres. Presque aussitôt, ceux-ci disparurent par l'escalier du minaret, pendant que le Mokadem rentrait dans une des chambres latérales. Point de Pescade comprit que Sidi Hazam se préoccupait de faire surveiller les abords de l'habitation. Donc, au moment où la jeune fille et lui apparaîtraient sur la terrasse, elle serait occupée et gardée. « Il faut tout risquer, cependant, » dit Point de Pescade. « Oui, tout, » répondit Sava. Alors, après avoir traversé la galerie, tous deux atteignirent l'escalier qu'ils montèrent avec une extrême prudence. Puis, lorsque Point de Pescade fut arrivé au palier supérieur, il s'arrêta. Nul bruit sur la terrasse, pas même le pas d'une sentinelle. Point de Pescade ouvrit doucement la porte et, suivi de Sava, il se glissa le long des créneaux. Soudain, un cri fut jeté du haut du minaret par un des hommes de garde. Au même moment, l'autre sautait sur Point de Pescade, pendant que Namir s'élançait sur la terrasse, tandis que le personnel de Sidi Hazam faisait irruption à travers les cours intérieures de l'habitation. Sava allait-elle se laisser reprendre ? Non. Reprise par Sarkany, elle était perdue. À cela, elle préférait 100 fois la mort. Aussi, après avoir recommandé son âme à Dieu, l'intrépide jeune fille courut vers le parapet et sans hésiter se précipita du haut de la terrasse. Point de Pescade n'avait pas même eu le temps d'intervenir, mais repoussant l'homme qui luttait avec lui, il saisit la corde et en une seconde il fut au pied de la muraille. « ça va !» s'écria-t-il. « Voici la demoiselle, » lui répondit une voix bien connue, « et rien de cassé. Je me suis trouvé à propos pour… » Un cri de fureur suivi d'un bruit sourd vint couper la parole à Cap Matifou. Namir, dans un mouvement de rage, n'avait pas voulu abandonner la proie qui lui échappait. Elle s'était brisée sur le sol, comme se fût brisée Sava si deux bras vigoureux ne l'eussent reçue dans sa chute. Le docteur Antekirt, Pierre, Luigi, avaient rejoint Cap Matifou et Point de Pescade, qui fuyaient dans la direction du littoral. Sava, quoiqu'elle fût évanouie, ne pesait guère au bras de son sauveur. Quelques moments après, Sarkany, suivi d'une vingtaine d'hommes armés, se lançait sur les pas des fugitifs. Lorsque cette bande arriva à la petite anse où attendait l'électrique, le docteur était déjà à bord avec ses compagnons, et en quelques tours d'hélice, la rapide embarcation fut hors de portée. Sava, resté seul avec le docteur et Pierre Bathory, venait de reprendre connaissance. Elle apprenait qu'elle était la fille du comte Mathias Sandorf. Elle était dans les bras de son père. Chapitre 4. Antekirta. Quinze heures après avoir quitté le littoral de la Tripolitaine, l'électrique 2 était signalée par les vigies d'Antekirta. Et dans l'après-midi, il venait mouiller au fond du port. On imagine aisément quel accueil fut fait au docteur et à ses braves compagnons. Cependant, bien que Sava se trouvât maintenant hors de danger, il fut décidé que l'on garderait encore un secret absolu sur les liens qui la rattachaient au docteur Antekirt. Le comte Mathias Sandorf voulait rester inconnu jusqu'au complet accomplissement de son œuvre. Mais il suffisait que Pierre, dont il avait fait son fils, fut le fiancé de Sava Sandorf pour que la joie se manifestât de tous côtés par des démonstrations touchantes, aussi bien au Stadthaus que dans la petite ville d'Artenach. Que l'on juge aussi de ce que dut éprouver Madame Bathory lorsque Sava lui eût été rendue après tant d'épreuves. La jeune fille allait se remettre promptement d'ailleurs, et quelques jours de bonheur y devaient suffire. Quant à Point de Pescade, il avait risqué sa vie, ce n'était pas douteux. Mais comme il trouvait cela tout naturel, il n'y eut pas possibilité de lui en témoigner la plus simple reconnaissance, au moins en parole. Pierre Bathory l'avait si étroitement pressé sur sa poitrine, et le docteur Antekirt l'avait regardé avec de si bons yeux qu'il ne voulait plus entendre rien. Selon son habitude au surplus, il rejetait tout le mérite de l'aventure sur Cap Matifou. « C'est lui qu'il convient de remercier, répétait-il. C'est lui qui a tout fait. » Si mon cap n'avait pas montré tant d'adresse dans l'exercice de la perche, jamais je n'aurais pu sauter d'un bond dans la maison de ce coquin de Sidi Hazam, et Sava Sandorf se serait tué en tombant si mon cap ne se fût trouvé là pour la recevoir dans ses bras. « Voyons, voyons, répondait Cap Matifou, tu vas un peu loin, et l'idée de... « Tais-toi, mon cap, reprenait Point de Pescade. « Que diable, je ne suis pas assez fort pour recevoir des compliments de ce calibre. » Tandis que toi, allons soigner notre jardin. » Et Cap Matifou se taisait, et il s'en retournait à sa jolie villa. Et finalement, il acceptait les félicitations qu'on lui imposait pour ne pas désobliger son petit Pescade. Il fut décidé que le mariage de Pierre Bathory et de Sava Sandorf serait célébré dans un délai très prochain, à la date du 9 novembre. Pierre, devenu le mari de Sava, s'occuperait alors de faire reconnaître les droits de sa femme à l'héritage du comte Mathias Sandorf. La lettre de Madame Torontal ne pouvait laisser aucun doute sur la naissance de la jeune fille, et s'il le fallait, on saurait bien obtenir du banquier une déclaration conforme. Il va sans dire que cette constatation allait être faite dans les délais voulus, puisque Sava Sandorf n'avait pas encore atteint l'âge fixé pour la reconnaissance de ses droits. En effet, elle ne devait entrer dans sa 18e année que 6 semaines plus tard. Il faut ajouter d'ailleurs que depuis 15 ans, un revirement politique très favorable à la question hongroise avait singulièrement détendu la situation, surtout en ce qui touchait aux souvenirs qu'avait pu laisser à quelques hommes d'État l'entreprise si vite et depuis si longtemps étouffée du comte Mathias Sandorf. Quant à l'Espagnol Carpena et au banquier Silas Torontal, ils ne seraient définitivement statués sur leur sort que lorsque Sarkany aurait rejoint ses complices dans les casemates d'Antekirta. Alors l'œuvre de justice recevrait son dénouement. Mais en même temps que le docteur combinait les moyens d'arriver à son but, il lui était impérieusement commandé de pourvoir à la sûreté de la colonie. Ses agents de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine lui marquaient que le mouvement sénousiste prenait une importance extrême, principalement dans le vilayet de Benghazi, qui est le plus rapproché de l'île. Des courriers spéciaux mettaient incessamment Djerboub, ce nouveau pôle du monde islamique, ainsi que l'a appelé M. Duverrier, cette sorte de Mecque métropolitaine où résidait alors Sidi Mohamed El-Mahedi, grand maître actuel de l'ordre, avec les chefs secondaires de toute la province. Or, comme ces sénousistes ne sont, à vrai dire, que les dignes descendants des anciens pirates barbaresques, qu'ils portent à tout ce qui est européen une mortelle haine, le docteur avait lieu de se tenir très sérieusement sur ses gardes. En effet, n'est-ce pas aux sénousistes qu'il faut attribuer, depuis 20 ans, les massacres inscrits dans la nécrologie africaine? Si on a vu périr Burman au Kanem en 1863, Van der Decken et ses compagnons sur le fleuve Djouba en 1865, Mademoiselle Alexine Tiné et Laïtien dans l'Ouadi à Bedjouch en 1865, Dourneau du Péré et Joubert près du puits d'Ibn Hazar en 1874, les pères Pommier, Bouchard et Ménoret au-delà d'Incala en 1876, les pères Richard, Moral et Pouplard de la mission de Gadames dans le nord de l'Asger, le colonel Flatters, les capitaines Masson et de Dianou, le docteur Guillard, les ingénieurs Béringer et Roche sur la route de Vargla en 1881, c'est que ces sanguinaires affiliés ont été poussés à mettre en pratique les doctrines sénousistes contre de hardis explorateurs. À ce sujet, le docteur s'entretenait souvent avec Pierre Batory, Luigi Ferrato, les capitaines de sa flottille, les chefs de sa milice et les principaux notables de l'île. Antequirta pouvait-elle résister à une attaque de ces pirates? Oui, sans doute, bien que le dispositif de ces fortifications ne fût pas encore achevé, mais à la condition que le nombre des assaillants ne fût pas trop considérable. D'autre part, les sénousistes avaient-ils intérêt à s'en emparer? Oui, puisqu'elles commandaient tout ce golfe de cidre que forment, en s'arrondissant, les rivages de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine. On ne l'a pas oublié, dans le sud-est d'Antequirta, à une distance de 2000, gisait l'îlot Kencraff. Or, cet îlot, qu'on n'avait pas eu le temps de fortifier, constituait un danger pour le cas probable où une flottille viendrait en faire sa base d'opération. Aussi le docteur avait-il pris la précaution de le faire miner. Et maintenant, un terrible agent explosif emplissait les fougasses déposées dans sa masse rocheuse. Il suffisait d'une étincelle électrique envoyée par le fil sous-marin qui le reliait à Antequirta pour que l'îlot Kencraff fût anéanti avec tout ce qui se trouverait à sa surface. Quant aux autres moyens de défense de l'île, voici ce qui avait été fait. Les batteries de la côte, mises en état, n'attendaient plus que les servants de la milice désignés pour y prendre leur poste. Le fortin du cône central était prêt à faire feu de ses pièces à longue portée. De nombreuses torpilles, coulées dans la passe, défendaient l'entrée du petit port. Le ferrato et les trois électriques étaient parés à tout événement, soit pour attendre l'attaque, soit pour courir sur une flottille d'assaillants. Cependant, l'île présentait un côté vulnérable dans le sud-ouest de son littoral. Un débarquement pouvait s'effectuer en cette portion du rivage qui se trouvait à l'abri du feu des batteries et du fortin. Là était le danger, et peut-être était-il trop tard pour entreprendre de suffisants travaux de défense. Après tout, était-il bien certain que les sénousistes eussent l'idée d'attaquer Antequirta? C'était en somme une grosse affaire, une périlleuse expédition, qui exigeait un matériel considérable. Luigi voulait douter encore. C'est ce qu'il fit observer un jour, pendant une inspection que le docteur, Pierre et lui, faisaient aux fortifications de l'île. « Ce n'est pas mon avis, » répondit le docteur. « Antequirta est riche. Elle commande les parages de la mer des Sirtes. Aussi, n'y eut-il que ses raisons, elle sera attaquée tôt ou tard. » car les sénousistes ont un trop grand intérêt à s'en emparer. Rien de plus certain, ajouta Pierre, et c'est une éventualité contre laquelle il faut se mettre en garde. Mais ce qui me fait surtout craindre une attaque imminente, reprit le docteur, c'est que Sarkany est un des affiliés de ces Kouan, et je sais même qu'il a toujours été à leur service comme agent à l'étranger. Or, mes amis, rappelez-vous que Pointe Pescade a surpris dans la maison du Mokadem une conversation entre Sidi Hazam et lui. Dans cette conversation, le nom d'Antequirta a été prononcé à plusieurs reprises. Et Sarkany n'ignore pas que cette île appartient au docteur Antequirta, c'est-à-dire à l'homme qu'il redoute, à celui qu'il faisait attaquer par Ziron sur les pentes de l'Etna. Donc, puisqu'il n'a pas réussi là-bas, en Sicile, nul doute qu'il essaie de réussir ici, et dans de meilleures conditions. A-t-il une haine personnelle contre vous, monsieur le docteur ? Demanda Luigi. Et vous connaît-il ? Il est possible qu'il m'ait vu à Raguse, répondit le docteur. En tout cas, il ne peut ignorer que j'ai eu, dans cette ville, des relations avec la famille Bathory. De plus, l'existence de Pierre lui a été révélée au moment où Pointe Pescade allait enlever Sava de la maison de Sidi Hazam. Tout cela a dû se lier dans son esprit, et il ne peut douter que Pierre et Sava n'aient trouvé un refuge dans Antekirta. C'est donc plus qu'il n'en faut pour qu'ils poussent contre nous toute la horde sénousiste dont nous n'aurions à attendre aucun quartier si elle réussissait à s'emparer de notre île. Cette argumentation n'était que trop plausible. Que Sarkany ignora encore que le docteur fût le comte Mathias Sandorf, cela était certain, mais il en savait assez pour vouloir lui arracher l'héritière du domaine d'Artenac. On ne s'étonnera donc pas qu'il eût excité le calife à préparer une expédition contre la colonie antekertienne. Cependant, on était arrivé au 3 décembre sans que rien n'eût encore indiqué une attaque imminente. D'ailleurs, cette joie de se sentir enfin réunis faisait illusion à tous, à l'exception du docteur. La pensée du mariage prochain de Pierre Bathory et de Sava Sandorf emplissait tous les cœurs et tous les esprits. C'était à qui essaierait de se persuader que les mauvais jours étaient passés et ne reviendraient plus. Pointe Pescade et Cap Matifou, il faut bien le dire, partageaient la sécurité générale. Ils étaient si heureux du bonheur des autres qu'ils vivaient dans un perpétuel enchantement de toutes choses. « C'est à ne pas le croire, » répétait Pointe Pescade. « Qu'est-ce qui n'est pas à croire ?» demandait Cap Matifou. « Que tu es devenu un gros rentier, mon Cap. Décidément, il faudra que je pense à te marier. »« Me marier ?»« Oui, avec une belle petite femme. »« Et pourquoi petite ?»« C'est juste, une grande, une énorme belle femme, hein ?»« Madame Cap Matifou, nous irons te chercher ça chez les Patagonesses. » Mais en attendant le mariage de Cap Matifou, auquel on finirait bien par trouver une compagne digne de lui, Pointe Pescade s'occupait du mariage de Pierre et de Sava Sandorf. Avec l'autorisation du docteur, il méditait d'organiser une fête publique, avec jeux forains, chants et danses, décharges d'artillerie, grands banquets en plein air, sérénades aux nouveaux époux, retraite aux flambeaux, feux d'artifice. On pouvait s'en rapporter à lui. C'était son élément. Ce serait splendide, on en parlerait longtemps, on en parlerait toujours. Tout cet élan fut arrêté en son germe. Pendant la nuit du 3 au 4 décembre, nuit calme mais assombrie par d'épais nuages, un timbre électrique résonna dans le cabinet du docteur Antekert, au Stadthaus. Il était 10 heures du soir. À cet appel, le docteur et Pierre quittèrent le salon dans lequel ils avaient passé la soirée avec Madame Bathory et Sava Sandorf. Arrivés dans le cabinet, ils reconnurent que l'appel venait du poste d'observation établi sur le cône central d'Antekirta. Demandes et réponses furent aussitôt faites par un appareil téléphonique. Les vigies signalaient dans le sud-est de l'île l'approche d'une flottille d'embarcations qui n'apparaissait que très confusément encore au milieu des ténèbres. « Il faut convoquer le conseil, » dit le docteur. Moins de 10 minutes après, le docteur, Pierre, Luigi, les capitaines Narsos et Kudrick et les chefs de la milice arrivaient au Stadthaus. Là, communication leur fut faite de l'avis envoyé par les vigies de l'île. Un quart d'heure plus tard, après s'être rendus au port, tous s'arrêtaient à l'extrémité de la grande jetée sur laquelle brillait le feu du môle. De ce point, peu élevé au-dessus du niveau de la mer, il eût été impossible de distinguer cette flottille que des observateurs postés sur le cône central avait pu apercevoir. Mais en éclairant vivement l'horizon du sud-est, il serait sans doute possible de reconnaître le nombre de ces embarcations et dans quelles conditions elles cherchaient à accoster. N'était-ce pas un inconvénient d'indiquer ainsi la situation de l'île ? Le docteur ne le pensa pas. Si c'était l'ennemi attendu, il ne venait pas en aveugle. Il connaissait le gisement d'Antekirta. Rien ne pourrait l'empêcher de l'atteindre. Les appareils furent donc mis en activité, et grâce à la puissance de 2 faisceaux électriques projetés au large, l'horizon s'illumina soudain sur un vaste secteur. Les vigies ne s'étaient point trompées. 200 embarcations, pour le moins, s'avançaient en ligne. Des chébecs, des polacres, des trabacolos, dès sa colère, d'autres moins importantes. Nul doute que ce fut la flottille des Cénosistes que ces pirates avaient recrutée dans tous les ports du littoral. La brise manquant, c'était à l'aviron qu'ils se dirigeaient vers l'île. Pour cette traversée relativement courte entre Antiquirta et la Cyrénaïque, ils avaient pu se passer de l'air du vent. Le calme de la mer devait même servir leur dessein, puisqu'il leur permettait d'effectuer un débarquement dans des conditions plus favorables. En ce moment, cette flottille se trouvait encore à 4 ou 5 milles dans le sud-est. Elle ne pouvait donc accoster avant le lever du soleil. Il eût été imprudent de le faire, d'ailleurs, soit pour forcer l'entrée du port, soit pour opérer une descente sur la côte méridionale d'Antequerta, insuffisamment défendue comme il a été dit. Lorsque cette première reconnaissance eut été faite, les appareils électriques s'éteignirent et l'espace fut replongé dans l'ombre. Il n'y avait plus qu'à attendre le jour. Cependant, par ordre du docteur, tous les hommes de la milice vinrent prendre leur poste. Il fallait être prêt à porter les premiers coups, desquels dépendrait peut-être l'issue de l'entreprise. Il était certain maintenant que les assaillants ne pouvaient plus songer à surprendre l'île, puisque cette projection de lumière avait permis de reconnaître leur direction et leur nombre. Pendant ces dernières heures de la nuit, on veilla avec le plus grand soin. À maintes reprises, l'horizon fut encore illuminé, ce qui permit de reconnaître plus exactement la position de la flottille. Que les assaillants fussent nombreux, cela ne pouvait faire doute. Qu'ils fussent pourvus d'un matériel suffisant pour avoir raison des batteries d'Antequerta, rien de moins certain. Peut-être même manquaient-ils absolument d'artillerie. Mais par le chiffre de combattants que le chef de l'expédition pouvait jeter à la fois sur plusieurs points de l'île, les Cénosistes devaient être redoutables. Enfin, le jour se fit peu à peu, et les premiers rayons du soleil vinrent dissiper les basses brumes de l'horizon. Tous les regards se portèrent au large, vers l'est et vers le sud d'Antequerta. La flottille se développait alors en une longue ligne arrondie qui tendait à se refermer sur l'île. Il n'y avait pas moins de 200 embarcations, dont quelques-unes jaugeaient de 30 à 40 tonneaux. Ensemble, elles pouvaient porter de 1500 à 2000 hommes. À 5 heures, la flottille se trouvait à la hauteur de l'île Okencraft. Les assaillants allaient-ils l'accoster et y prendre position avant d'attaquer directement l'île? S'ils le faisaient, ce serait une circonstance heureuse. Les travaux de mine exécutés par le docteur auraient pour résultat, sinon de résoudre entièrement la question, du moins de compromettre, dès le début, l'attaque des Cénosistes. Une demi-heure s'écoula, pleine d'anxiété. On put croire que les embarcations, qui s'étaient peu à peu rapprochées de l'îlot, allaient opérer un débarquement. Il n'en fut rien. Aucune n'y relâcha, et la ligne ennemie se courba plus longuement vers le sud, en le laissant à sa droite. Il devint dès lors évident qu'Antequerta serait directement attaquée, ou pour mieux dire, envahie avant 1 heure. « Maintenant, il n'y a plus qu'à se défendre, » dit le docteur au chef de la milice. Un signal fut fait, et tout le personnel répandu dans la campagne s'empressa de regagner la ville, où chacun se rendit au poste qui lui avait été assigné d'avance. Par ordre du docteur, Pierre Batory alla prendre le commandement de la partie sud des fortifications et Luigi de la partie est. Les défenseurs de l'île, 500 miliciens au plus, furent distribués de manière à faire face à l'ennemi partout où il tenterait de forcer l'enceinte de la ville. Pour le docteur, il se réservait de se porter sur tous les points où il croirait sa présence nécessaire. Madame Batory, Sava Sendorf, Maria Ferrato durent rester dans le hall du Stadthaus. Quant aux autres femmes, au cas où la ville serait envahie, il avait été décidé qu'elles se réfugieraient avec les enfants au fond des casemates, où elles n'auraient rien à craindre, même si les assiégeants possédaient quelques pièces de débarquement. La question de l'île Okencraft résolue, elle l'était malheureusement au désavantage de l'île, restait la question du port. Si la flottille prétendait en forcer l'entrée, les fortins des deux jetées, dont les feux pouvaient se croiser, les canons du ferrato, les électriques torpilleurs, les torpilles immergées dans la passe, en auraient certainement raison. C'eût été même une chance favorable que l'attaque se fît de ce côté. Mais cela n'était que trop évident. Le chef des Cénosistes connaissait parfaitement les moyens de défense d'Antequerta et il n'ignorait rien de la facilité de ses atterrages dans le sud. Essayer une attaque directe du port, c'eût été courir à un immédiat et complet anéantissement. Tenter un débarquement dans la partie méridionale de l'île, qui ne se prêtait que trop aisément à cette opération, c'est ce plan qu'il avait adopté. Aussi, après avoir évité de donner dans les passes du port, comme il avait évité de prendre position sur l'île Oakencraft, il dirigea sa flottille, à force de rames, vers les points faibles d'Antequirtan. Dès que cela eut été reconnu, le docteur prit les mesures que commandaient les circonstances. Les capitaines Keudrick et Narsos se jetèrent chacun dans un des torpilleurs montés par quelques marins et s'élancèrent hors du port. Un quart d'heure après, les deux électriques se précipitaient au milieu de la flottille. Ils en brisaient la ligne. Ils faisaient sauter 5 ou 6 embarcations. Ils en défonçaient 12. Toutefois, le nombre des agresseurs était si considérable que les deux capitaines, menacés d'être pris à l'abordage, durent revenir à l'abri des jetées. Cependant, le ferrato avait pris position et il commençait à foudroyer la flottille. Mais ces feux, joints à ceux des batteries qui pouvaient utilement agir, furent insuffisants pour empêcher la masse de ces pirates d'opérer leur débarquement. Bien qu'un bon nombre eût péri, bien qu'une 20aine d'embarcations fussent déjà coulées, plus de 1000 assiégeants purent prendre pied sur les roches du sud, dont une mer parfaitement calme rendait l'approche trop facile. On put voir alors que l'artillerie ne manquait pas aux Sénousistes. Les plus grands chébecs portaient quelques pièces de campagne, montées sur affût roulant. Ils purent les débarquer dans cette partie du littoral, située hors de l'atteinte des canons de la ville et même de ceux qui armaient le fortin du cône central. Le docteur, du poste qu'il était venu prendre sur le saillant le plus rapproché, avait suivi l'ensemble de cette opération. S'y opposer, il ne l'aurait pu, étant donné le nombre relativement faible de son personnel. Mais comme il était plus fort à l'abri de ses murailles, le rôle des assiégeants, si nombreux qu'ils fussent, allait devenir difficile. Ceux-ci, traînant leur artillerie légère, s'étaient formés en 2 colonnes. Ils marchaient sans chercher à se défiler, avec cette bravoure insouciante de l'arabe, avec cette audace de fanatique qu'entretiennent chez eux le mépris de la mort, l'espoir du pillage et la haine de l'Européen. Lorsqu'ils furent à bonne portée, les batteries vomirent sur eux boulets, obus et mitrailles. Plus de 100 tombèrent, mais les autres ne reculèrent pas. Leurs pièces de campagne furent mises en position et elles commencèrent à faire brèche dans un pan de mur à l'angle de la courtine inachevée du sud. Leur chef, toujours calme, au milieu de ceux qui tombaient à ses côtés, dirigeait l'action. Sarkany, près de lui, l'excitait à donner l'assaut en lançant quelques centaines d'hommes sur la brèche. De loin, le docteur Antekirt et Pierre Bathory le reconnurent. Il les reconnut aussi. Cependant, la masse des assiégeants commençait à se porter vers la partie du mur dont l'éboulement pouvait maintenant leur livrer passage. S'ils parvenaient à franchir cette brèche, s'ils se répandaient dans la ville, les assiégés, trop faibles pour leur résister, seraient contraints d'abandonner la place. Avec le tempérament sanguinaire de ces pirates, la victoire serait suivie d'un égorgement général. La lutte corps à corps fut donc terrible sur ce point. Sous les ordres du docteur, impassible dans le danger et comme invulnérable au milieu des balles, Pierre Bathory et ses compagnons firent des prodiges de courage. Pointe-Pescade et Cap Matifou les secondaient avec une audace qui n'était égalée que par leur chance à éviter les mauvais coups. L'Hercule, un couteau d'une main, une hache de l'autre, faisait largement le vide autour de lui. « Hardi, mon cap, Hardi, assomme-les !» criait Pointe-Pescade, dont le revolver incessamment rechargé et déchargé éclatait comme une boîte à mitraille. Mais l'ennemi ne cédait pas. Après avoir été plusieurs fois repoussé hors de la brèche, il allait enfin la franchir, envahir la ville, quand, sur ses derrières, il se fit une diversion. Le ferrato était venu se placer à moins de 3 encablures du rivage, sous petite vapeur. Puis, de ce point, avec ses caronades, toutes braquées du même bord, son long canon de chasse, ses canons revolvers Hotchkiss, ses mitrailleuses Gatling qui couchaient les assaillants comme le blé sous la faucheuse, il les attaquait de dos. Il les foudroyait sur la plage, en même temps qu'il détruisait et coulait les bateaux, mouillés ou amarrés au pied des roches. Ce fut un coup terrible et très inattendu pour les sénousistes. Non seulement ils étaient pris à revers, mais tout moyen de fuir allait leur être enlevé dans le cas où leurs embarcations seraient mises en pièces par les projectiles du ferrato. Les assaillants s'arrêtèrent alors devant la brèche que la milice défendait obstinément. Déjà plus de 500 avaient trouvé la mort sur la grève, tandis que le nombre des assiégés n'était diminué que dans une proportion relativement faible. Le chef de l'expédition comprit qu'il fallait immédiatement regagner la mer s'il ne voulait pas exposer ses compagnons à une perte certaine et complète. En vain Sarkany voulut-il les lancer sur la ville. Ordre fut donné de revenir au rivage et les sénousistes opérèrent leur mouvement de retraite comme ils se seraient fait tuer jusqu'au dernier s'il leur eût été commandé de mourir. Mais il fallait donner à ces pirates une leçon dont ils ne dussent jamais perdre le souvenir. « En avant, mes amis, en avant !» cria le docteur. Et sous les ordres de Pierre et de Luigi, une centaine de miliciens se jetèrent sur les fuyards qui se hâtaient de regagner le rivage. Pris entre les feux du ferrato et les feux de la ville, ceux-ci durent aussitôt céder. Alors le désordre se mit dans leurs rangs, et on les vit se précipiter vers les 7 ou 8 embarcations que les bordées du large avaient plus ou moins épargnées. Pierre et Luigi, au milieu de la mêlée, visaient surtout à s'emparer d'un homme entre tous. Cet homme, c'était Sarkany. Mais ils voulaient l'avoir vivant, et ils n'échappèrent que par miracle au coup de revolver que ce misérable déchargea plusieurs fois sur eux. Cependant, il semblait que le sort allait encore une fois le soustraire à leur justice. Sarkany et le chef des sénousistes, suivis d'une dizaine de leurs compagnons, étaient parvenus à regagner une petite polacre dont la mare venait d'être larguée et qui déjà manœuvrait afin de regagner la haute mer. Le ferrato était trop loin pour qu'on pût lui signaler de la poursuivre, et elle allait s'échapper. En ce moment, Cap Matifou aperçut une pièce de campagne démontée de son affût qui gisait sur le sable. Se précipiter sur cette pièce encore chargée, la hisser avec une force surhumaine sur une des roches, s'arc-bouter pour la maintenir en place en la tenant par ses tourillons, puis d'une voix de tonnerre s'écrier « À moi, Pescade, à moi !» Ce fut l'affaire d'un instant. Pointe Pescade entendit l'appel de Cap Matifou. Il vit ce qu'avait fait son cap. Il le comprit, il accourut. Et après avoir pointé sur la polacre le canon que soutenait cet affût vivant, il tira. Le projectile atteignit l'embarcation dans sa coque et la fracassa. L'Hercule ne fut pas même ébranlé par le recul de la pièce. Le chef des sénousistes et ses compagnons, précipités dans les flots, se noyèrent pour la plupart. Quant à Sarkany, il se débattait au milieu du ressac lorsque Luigi se jeta à la mer. Un instant après, Sarkany était remis entre les larges mains de Cap Matifou qui se refermèrent sur lui. La victoire était complète. Des 2000 assaillants qui s'étaient jetés sur l'île, à peine quelques centaines purent-ils échapper au désastre et regagner les rivages de la Cyrénaïque. De longtemps, on pouvait l'espérer, Antequerta ne serait plus menacée d'une descente de ses pirates. Chapitre 5. Justice. Le comte Mathias Sandorf avait payé à Maria et à Luigi Ferrato sa dette de reconnaissance. Madame Bathory, Pierre, Saba étaient enfin réunis. Après avoir récompensé, il ne restait plus qu'à punir. Pendant les quelques jours qui suivirent la défaite des sénousistes, le personnel de l'île s'employa activement à tout remettre en état. À part quelques blessures sans gravité, Pierre, Luigi, Pointe Pescade et Cap Matifou, c'est-à-dire tous ceux qui ont été le plus intimement mêlés aux événements de ce drame, étaient sains et saufs. Qu'ils ne se fussent pas ménagés, cependant, on peut en avoir l'assurance. Aussi, quelle joie ce fut quand ils se retrouvèrent dans le hall du Stadthaus avec Sava Sandorf, Maria Ferrato, Madame Bathory, et son vieux serviteur Boric. Après avoir rendu les derniers devoirs à ceux qui venaient de succomber dans la lutte, la petite colonie allait pouvoir reprendre le cours de cette existence heureuse que rien ne viendrait plus troubler sans doute. La défaite des Sénousistes avait été désastreuse et Sarkani, qui les avait excités à cette campagne contre Antekerta, ne serait plus là pour leur souffler ses idées de haine et de vengeance. Le docteur d'ailleurs allait s'occuper de compléter à bref délai son système de défense. Non seulement Artenac serait promptement mise à l'abri d'un coup de main, mais l'île elle-même n'offrirait plus un seul point de son périmètre sur lequel un débarquement pût s'opérer. On s'occuperait en outre d'y attirer de nouveaux colons, auxquels les richesses de son sol devaient garantir un réel bien-être. En attendant, rien ne pouvait plus mettre obstacle au mariage de Pierre Bathory et de Sava Sandorf. La cérémonie avait été fixée au 9 décembre. Elle s'accomplirait à cette date. Aussi, Pointe Pescade reprit-il activement ses préparatifs de réjouissance, interrompus par l'invasion des pirates de la Cyrénaïque. Cependant, sans autre délai, il s'agissait de statuer sur le sort de Sarkani, de Silas Torontal et de Carpena. Séparément emprisonnés dans les casemates du Fortin, ils ignoraient même qu'ils fussent tous trois au pouvoir du docteur Antekert. Le 6 décembre, 2 jours après la retraite des Sénousistes, le docteur les fit comparaître dans le hall du Stadthaus, où il se tenait à l'écart avec Pierre et Luigi. Ce fut là que les prisonniers se virent pour la première fois, devant le tribunal d'Artenac, composé des premiers magistrats de l'île, sous la garde d'un détachement de miliciens. Carpena paraissait inquiet, mais n'ayant rien perdu de sa physionomie sournoise, il jetait des regards furtifs à droite, à gauche, et n'osait lever les yeux sur ses juges. Silas Torontal, très abattu, baissait la tête et instinctivement fuyait le contact de son ancien complice. Sarkani n'avait qu'un sentiment, la rage d'être tombé entre les mains de ce docteur Antekert. Luigi, s'avançant alors devant les juges, prit la parole et s'adressant à l'Espagnol. « Carpena, dit-il, je suis Luigi Ferrato, le fils du pêcheur de Rovigno que ta délation a envoyé au bagne de Stein, où il est mort. » Carpena s'était un instant redressé. Un premier mouvement de colère lui fit monter le sang aux yeux. Ainsi c'était bien Maria qu'il avait cru reconnaître dans les ruelles du Mandiraggio à Malte, et c'était Luigi Ferrato, son frère, qui lui jetait cette accusation. Pierre s'avança à son tour, et tout d'abord, tendant le bras vers le banquier, « Silas Torontal, dit-il, je suis Pierre Bathory, le fils d'Étienne Bathory, le patriote hongrois, que, d'accord avec Sarkani, votre complice, vous avez lâchement dénoncé à la police autrichienne de Trieste et que vous avez envoyé à la mort. » Puis, à Sarkani, « Je suis Pierre Bathory, que vous avez tenté d'assassiner dans les rues de Raguse. Je suis le fiancé de Sava, fille du comte Mathias Sandorf, que vous avez fait enlever il y a 15 ans au château d'Artenac. » Silas Torontal avait été frappé comme d'un coup de massue en reconnaissant Pierre Bathory qu'il croyait mort. Sarkani, lui, s'était croisé les bras, et sauf un léger tremblement de ses paupières, il conservait une impudente immobilité. Ni Silas Torontal ni Sarkani ne répondirent un seul mot. Et qu'auraient-ils pu répondre à leur victime qui semblait sortir du tombeau pour les accuser? Et ce fut bien autre chose lorsque le docteur Antekirt, se levant à son tour, dit d'une voix grave. « Et moi, je suis le compagnon de Ladislas Zatmar et d'Étienne Bathory, que votre trahison a fait fusiller au donjon de Picino. Je suis le père de Sava, que vous avez enlevé pour vous rendre maître de sa fortune. Je suis le comte Mathias Sandorf. » Cette fois, l'effet de cette déclaration fut tel que les genoux de Silas Torontal fléchirent jusqu'à terre, tandis que Sarkani se courbait comme s'il eût voulu rentrer en lui-même. Alors, les trois accusés furent interrogés l'un après l'autre. Leur crime n'était point de ceux qu'ils eussent punis, ni de ceux pour lesquels un pardon fut possible. Le chef des magistrats rappela à Sarkani que l'attaque de l'île, entreprise dans son intérêt personnel, avait fait un grand nombre de victimes dont le sang criait vengeance. Puis, après avoir laissé aux accusés toute liberté de se défendre, il appliqua la loi conformément au droit que lui donnait cette juridiction régulière. « Silas Torrental, Sarcani, Carpena, dit-il, vous avez causé la mort d'Étienne Bathory, de Ladislas Zatmar et d'Andrea Ferrato. Vous êtes condamnés à mourir. » « Quand vous voudrez, » répondit Sarcani, dont l'impudence avait repris le dessus. « Grâce !» s'écria lâchement Carpena. Silas Torrental n'aurait pas eu la force de parler. On emmena les trois condamnés dans leur casemate, où ils furent gardés à vue. Comment ces misérables devaient-ils mourir? Seraient-ils fusillés dans un coin de l'île? C'eût été souillé en Tequerta du sang des traîtres. Aussi avait-il été décidé que l'exécution se ferait à l'île Okencraft. Le soir même, des électriques, montés par 10 hommes sous le commandement de Luigi Ferrato, prit les trois condamnés à son bord et les transporta sur l'îlot où ils allaient attendre jusqu'au lever du jour le peloton d'exécution. Sarcani, Silas Torrental et Carpena devaient croire que l'heure de mourir était venue pour eux. Aussi, quand ils eurent été débarqués, Sarcani alla en droit à Luigi. « Est-ce pour ce soir ? » demanda-t-il. Luigi ne répondit rien. Les trois condamnés furent laissés seuls et il faisait déjà nuit lorsque l'électrique revint à Antequerta. L'île était maintenant délivrée de la présence des traîtres. Quant à s'enfuir de l'île Okencraft, que 20 000 séparent de la grande terre, c'était impossible. « Avant demain, ils se seront certainement dévorés les uns les autres, » dit Point de Pescade. « Pouah !» fit Cap Matifou avec dégoût. La nuit se passa dans ces conditions. Mais au Stadthaus, on put observer que le comte Sandorf ne prit pas un instant de repos. Renfermé dans sa chambre, il ne la quitta qu'à 5 heures du matin pour descendre dans le hall où Pierre Bathory et Luigi furent aussitôt mandés. Un peloton de miliciens attendait dans la cour du Stadthaus que l'ordre lui fut donné de s'embarquer pour l'île Okencraft. Pierre Bathory, Luigi Ferrato, dit alors le comte Sandorf, c'est en toute justice que ces traîtres ont été condamnés à mort. Oui, elle la mérite, répondit Pierre. Oui, répondit Luigi, et pas de pitié pour ces misérables. Que justice soit faite, et que Dieu leur accorde un pardon que les hommes ne peuvent plus leur donner. Le comte Sandorf avait à peine achevé qu'une épouvantable explosion secouait le Stadthaus et aussi toute l'île, comme si elle eût été agitée par un tremblement de terre. Le comte Sandorf, Pierre et Luigi se précipitèrent au dehors pendant que la population épouvantée s'enfuyait hors des maisons d'Artenac. Une immense gerbe de flammes et de vapeurs, mélangée de blocs énormes et d'une grêle de pierre, fusait vers le ciel à une prodigieuse hauteur. Puis ces masses retombèrent autour de l'île en soulevant les eaux de la mer et un épais nuage demeura suspendu dans l'espace. Il ne restait plus rien de l'île Okencraft, ni des trois condamnés que l'explosion venait d'anéantir. Que s'était-il donc passé? On ne l'a pas oublié, non seulement l'îlot était miné en prévision d'un débarquement des Cénousistes, mais pour le cas où le fil sous-marin qui le reliait à Antequerta eût été mis hors de service, des appareils électriques avaient été enterrés dans le sol, et il suffisait de les frôler du pied pour que toutes les fougasses de panclastite fissent explosion à la fois. C'est ce qui s'était produit. Par hasard, un des condamnés avait touché un de ces appareils. De là cette complète et instantanée destruction de l'îlot. Dieu a voulu nous épargner l'horreur de l'exécution, dit le comte Mathias Sandorf. 3 jours après, le mariage de Pierre Bathory et de Sava Sandorf était célébré à l'église d'Artenac. À cette occasion, le docteur Antekirt signa de son vrai nom de Mathias Sandorf. Il ne devait plus le quitter maintenant que justice était faite. Quelques mots suffiront pour achever ce récit. 3 semaines après, Sava Bathory fut reconnue pour l'héritière des biens réservés du comte Sandorf. La lettre de Madame Torrental, une déclaration préalablement obtenue du banquier, déclaration qui relatait les circonstances et le but de l'enlèvement de la petite fille, avait suffi pour établir son identité. Comme Sava n'était pas encore âgé de 18 ans, ce qui restait du domaine des Carpates en Transylvanie lui fit retour. D'ailleurs, le comte Sandorf aurait pu rentrer lui-même dans ses biens sous le bénéfice d'une amnistie qui était survenue en faveur des condamnés politiques. Mais s'il redevint publiquement Matthias Sandorf, il n'en voulut pas moins rester le chef de la grande famille d'Antequerta. Là devait s'écouler sa vie, au milieu de tous ceux qu'il aimait. La petite colonie, grâce à de nouveaux efforts, ne tarda pas à s'agrandir. En moins d'un an, elle vit doubler sa population. Des savants, des inventeurs appelés par le comte Sandorf, y vinrent utiliser des découvertes qui seraient restées stériles sans ses conseils, sans la fortune dont il disposait. Aussi Antequerta allait-elle bientôt devenir le point le plus important de la mer des Sirtes, et avec l'achèvement de son système défensif, sa sécurité devait être absolue. Que dire de Madame Bathory, de Maria et de Luigi Ferrato? Que dire de Pierre et de Sava, qui ne se sentent mieux qu'on ne pourrait l'exprimer? Que dire aussi de Pointe Pescade et de Cap Matifou, qui comptaient parmi les plus notables colons d'Antequerta? S'ils regrettaient quelque chose, c'était de n'avoir plus l'occasion de se dévouer pour celui qui leur avait fait une telle existence. Le comte Matthias Sandorf avait accompli sa tâche, et sans le souvenir de ses deux compagnons, Étienne Bathory et Ladislas Zatmar, il eût été aussi heureux qu'un homme généreux peut l'être ici-bas, quand il répand le bonheur autour de lui. Que l'on ne cherche point dans toute la Méditerranée, non plus qu'en aucune autre mer du globe, même dans le groupe des fortunés, une île dont la prospérité puisse rivaliser avec celle d'Antequerta, ce serait peine inutile. Aussi, lorsque Cap Matifou, dans l'accablement de son bonheur, croyait devoir dire « En vérité, est-ce que nous méritons d'être si heureux ?»« Non, mon Cap, mais que veux-tu ? Faut se résigner, » lui répondait Pointe Pescade.